à sa descendance éphémère, si on veut, n'a pas de descendance. Et on a vu le hadith, comme quoi les savants sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Dieu défend ses héritiers comme il défend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça maintenant, qui entend parler de Dirham ibn Safwan? Qui entend parler d'Abdullah ibn Saba? Qui entend parler de Bishr ibn Rishi? Ceux-là qui ont combattu les premiers savants, qui ont combattu l'imam Ahmed, qui ont combattu l'imam Malik, qui ont combattu la Sunna en général, qui ont combattu tous les savants. Et c'est pour ça que la défaite vient rapidement à ceux qui insultent les savants. Par exemple, trouver certains gens qui appellent les gens, soi-disant, à l'islam et à l'application de la Sharia. Mais on voit que ils ne laissent pas d'insultes qu'ils ne donnent pas aux savants. Et une courte période passe avant la défaite. Et comme il est dit, « وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ » Et les exemples sont bien connus à notre époque. Les pays où la da'wa, comme on dit, les gens ont commencé à insulter leurs savants, alors tout de suite la da'wa a été frappée. Et les résultats, c'était des fruits amers. Donc comme j'ai dit, « وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ » Si tu trouves un fruit qui comporte un poison, c'est-à-dire que l'arbre, si tu trouves un arbre qui donne de bons fruits, ça veut dire que l'arbre est bon, que la terre est bonne. Quant à ce qu'on entend, comme j'ai dit, à droite et à gauche, un tel, par exemple, connaît le hadith mais ne connaît pas le fiqh, ça, bien sûr, c'est un piège où tombent seulement ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui n'ont pas de haine, qui n'ont pas de bonne connaissance dans la religion. Parce qu'ils savaient ça, ils sauraient que ceux qui connaissent bien les hadiths, ce sont les plus savants, ce sont ceux qui savent mieux juger les choses. Comme a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Ashabu sunani a'lamu bi kitabillah. Ceux qui connaissent bien les sunan, ce sont eux qui connaissent mieux le livre, le Coran, c'est-à-dire. Et la même chose, Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit, أعلم الناس أعلمهم بالسنن. Et comme savant, ce sont ceux qui connaissent le mieux les hadiths. Et les savants connaissent certaines histoires, bonnes histoires, où les mêmes paroles étaient rabâchées. Al-Khatib al-Baghdadi, dans Sharaf al-Ashab al-Hadith, et al-Zahabi, dans Sir A'lam al-Nubala, il compte une histoire d'un individu. الصور سلاسيون. قال عبد الله بن الحسن الحسن جاني كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد وأنا من مراد فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه فحبوت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم. قال عبد الله فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخص أصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه. C'est-à-dire, il a trouvé un individu qui disait que les محدثين ne comprennent pas le fiqh. Alors, le savant, il est allé chez lui, il a dit, que disent les compagnons dans telle question, au sujet de telle question? Que dit un tel au sujet de telle question? Que dit un tel au sujet de telle question? Alors, l'individu n'a pas su lui répondre. Mais on regarde l'exemple qu'il a donné, il a dit, Girahat al-Rijal ou Nisa, comme on entend. On entend maintenant dire « ulama al-hayd al-nifas », c'est-à-dire qu'ils ne savent comprendre que les affaires de règles et tout ça. Hada, il a posé la plus petite question, une question facile à répondre. Celui-là n'a pas su répondre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « tu as prétendu que les muhaddithin ne connaissaient pas le fiqh, et moi je suis le plus vil